Europe 1, au cœur de l'histoire, revient dans un instant. Agnoté. Au cœur de l'histoire, sur Europe 1. C'est un autre visage de Coco Chanel que nous venons de découvrir grâce à vous, Franck. Celui de Coco Chanel pendant l'occupation, de ses relations avec les Allemands. Et bien malgré tout cela, Coco Chanel revient en France après un exil suisse. Elle revient à Paris, nous sommes en 1954 et c'est à nouveau un triomphe. Ah oui, c'est un triomphe. C'est assez extraordinaire. Vous savez, on est dans cette période de ce qu'on a appelé le New Look, où Monsieur Christian Dior est en train de redonner aux femmes l'envie de se vautrer dans les falbales. Là, si je puis dire, on met, je sais plus combien il faut de mètres carrés pour faire une jupe, hein, vous savez, mais enfin, ça y est, c'est cette époque des années 50, on a Grace Kelly à l'esprit, hein, bien sûr, mais vous savez, avec ces robes extraordinaires et de nouveau le goût de la haute tenue, des tenues sophistiquées, etc., comme si c'était un mouvement de balancier. Dans les années 1919-1920, après la Première Guerre mondiale, Coco Chanel avait fait souffler un vent de nouveauté extraordinaire sur la mode, elle avait libérer les femmes de tous les carcans un peu. Eh bien, voilà que Christian Dior fait un peu le contraire, si je puis dire, après la Seconde Guerre mondiale. On s'est tellement privé pendant la guerre. Les femmes ont tellement souffert de devoir s'habiller avec trois fois rien que, évidemment, d'un seul coup, l'opulence revenue fait qu'on a envie de sophistication, de belles choses, de très belles étoffes et tout. Alors, Coco Chanel va savoir évidemment prendre ce tournant. Vous pouvez lui faire confiance. Elle ne va pas se laisser démonter. Elle ne manque pas l'occasion, dans les interviews qu'elle donne, de critiquer justement cette espèce de sophistication en vogue. Et en même temps, elle sait adapter son style au goût et aux attentes du public de l'époque. Et elle va faire un premier grand défilé en 1954 qui, encore une fois, est un triomphe. Elle est âgée déjà. Oui, mais elle ne fait pas vraiment son âge. D'abord, vous savez, elle a toujours eu cette silhouette extrêmement mince, ouais, élancée, avec ce regard acéré, ses traits un peu à la serpe, il faut bien le dire, cette femme brune, mince, sèche. Et elle va presque devenir la caricature d'elle-même, mais elle en joue, elle le fait exprès. Et encore une fois, elle est devenue une légende vivante. Vous imaginez, dans les années 1960, les femmes qui viennent chez Chanel, rue Cambon, et qui sont habillées par Mademoiselle Chanel en personne, alors qu'elle a déjà habillé leur mère et leur grand-mère. C'est complètement extraordinaire. Et Mademoiselle est là, elle tient elle-même son atelier, elle a ses modèles, vous savez. Elle est terrible, sans vouloir trahir des secrets. Toutes celles qui ont travaillé pour elle et qui peuvent en parler aujourd'hui nous souffert. Disent ah oui, elle était absolument terrible. Elle martyrisait les gens, il y a pas d'autre mot. Tyrannique. Et en même temps, je crois qu'elle les aimait beaucoup. C'était ses filles, comme elle disait, et elle les a beaucoup aidées. Il y avait chez Coco Chanel ce mélange d'une forme de tendresse qu'elle cachait bien, mais qui lui faisait aider les gens, et elle a été quand même d'une grande aide pour beaucoup, et puis en même temps, cette espèce de dureté apparente, hein, cette espèce de sécheresse extérieure, mais qui faisait sa personnalité, qui faisait sa réputation, bien entendu. Je pense que le mieux pour les femmes est encore de suivre une morale conventionnelle si elles veulent être heureuses dans la vie, dit-elle. Sinon, il leur faudra s'armer d'un courage héroïque. Et à la fin, elles paieront le terrible prix de la solitude. J'en sais quelque chose, il n'y a rien de pire pour une femme. La solitude peut aider un homme à se réaliser, mais elle anéantit une femme. Il est préférable de rester avec son mari, même s'il devient gros et assommant, que d'être seule. Le malheur pour elle, c'est que, évidemment, et elle le dit elle-même, les deux hommes que j'ai aimés étaient riches et ils n'ont pas compris qu'une femme, même riche, veuille travailler. Car pour elle, c'est essentiel. Elle ne pense qu'à ça. C'est le but, c'est le sucre, c'est la substance même de sa vie. Travailler, travailler encore et toujours. Elle a travaillé quasiment jusqu'au bout de sa vie. Le travail était sa priorité, hein, c'est ce que vous venez de nous dire. Nous sommes en train de découvrir la fin de vie de Coco Chanel. Oui, et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça ne fait pas très envie, évidemment. C'est devenu une dame... Alors, elle est entourée de la meilleure société, elle a des amis assez drôles, on passe quand même des soirées amusantes chez Coco Chanel dans les années 1960, mais elle-même est sèche, elle a tendance à avoir la dent dure, Elle critique beaucoup. Vous savez, ça fait partie de ces gens qui, sous les fenêtres desquels il vaut mieux ne pas passer, comme on disait à propos de Madame de Montespan. Et elle est tenaillée par toutes sortes de phobies. Elle porte en elle des peurs profondes qu'elle ne craint pas d'avouer, nous dit Gimineau. Peur de voyager en avion, en auto. Et là, on peut penser peut-être qu'elle songe à la mort de Boy Capel. Ouais. Hein. L'auto, depuis ce jour-là, elle a pris la voiture vraiment en grippe. Peur du public. Alors, c'est pas une peur. On pourrait presque même parler d'un mépris et d'une. elle tient vraiment le public à distance. Peur des journalistes de mode. Et les réponses à l'emporte-pièce qu'il lui arrive de faire, notamment à la presse internationale, sont peut-être la traduction, justement, de cette espèce de méfiance qui est la sienne. Ce n'est pas par modestie ni par affectation qu'elle a fait monter au deuxième étage, au-dessus de ses salons, l'extraordinaire jeu de miroir sur l'escalier qui lui permet de voir toute l'enfilade des salons sans être vue. Et ça doit être extraordinaire. C'est-à-dire que vous arrivez dans la boutique de la rue Cambon, vous ne la voyez pas elle, mais vous savez qu'elle vous voit et vous observe probablement. Et d'ailleurs, un certain nombre de clientes en ont fait l'expérience. Vous étiez en train d'essayer quelque chose et d'un seul coup, elle surgissait. Ça ne pouvait pas être par hasard. Ouais, et quand elle surgit, c'est toujours avec le bolduc, avec les ciseaux, bien entendu. Et elle continue comme une sorte de sculpteur. Elle continue à façonner elle-même les tenues de ses clientes sur la cliente elle-même. Ça, c'est assez extraordinaire. Il y a une peur qui, chez elle, est sans doute l'écho des souffrances de cette enfance où elle a été tellement abandonnée, des souffrances de cette jeunesse où elle était sur un fil, des souffrances de l'âge mûr où vous avez vu à quel point il lui a fallu faire des choix et des choix parfois très mauvais et terribles, nous l'avons vu hier. Je pense que Coco Chanel était une femme profondément inquiète et que cette inquiétude se traduisait dans son comportement. Elles expliquent ses peurs, nous dit Edmond Charleroux. Elles expliquent un tempérament conservateur, un peu poujadiste, qu'on trouve dans des milieux parfois très modestes, dit-elle. C'est peut-être l'héritage de quelques vieux paysans cévenols, assis sur trois malheureuses pièces d'or, voyant le mal et la révolution partout. Et Coco Chanel, vous savez, c'était devenu son obsession. À la fin, elle pensait que la révolution était une question de minutes. Mmh. Et en mai 68, elle est révulsée par ce qui se passe. Inutile de vous dire qu'elle n'accompagne pas du tout le mouvement, là. Hein. C'est possiblement aussi, nous dit Edmond Charleroux, l'influence des hommes avec lesquels elle vivait. Ils étaient quelquefois fabuleux, comme le poète Reverdy, ou bien répréhensibles au maximum, comme Paul Iribe. C'est lui qui l'a poussée vers l'esprit de collaboration, disait Edmond de Charleroux, elle l'a payé très cher par un exil de 10 ans, pas tout à fait 10 ans, 8 ans. Est-ce que c'est Iribe qui l'a emmené dans la collaboration? Ça, moi, je n'irai pas jusque-là. Toujours est-il que Coco Chanel, à la fin, est devenu une sorte de mythe dont on peinerait presque à dire qu'il est vivant. Vous savez, ça fait partie de ces gens qu'on voit sans penser même qu'ils existent encore. Mmh. Dans les années 68, 69, 70, lorsqu'elle est au théâtre, par exemple, on murmure, on chuchote autour, on se la montre du doigt, c'est Coco Chanel. Alors d'un côté, on est très content de voir ce personnage sorti d'un autre siècle, et puis en même temps, ou en tout cas du début du même siècle, et puis en même temps, il y a quand même toutes sortes de bruits qui ont couru sur elle. Il y a la réprobation sourde d'une part du public qu'elle ressent et qu'elle va en quelque sorte essayer de conjurer en se montrant plus dure peut-être qu'elle n'était véritablement. Elle va régner sur la rue Cambon et d'une façon plus générale sur la mode jusqu'à son dernier jour qui survient le 11 janvier 1971. Vous imaginez quand vous pensez qu'elle était déjà une modiste connue 60 ans plus tôt. 6 décennies de règne sur la mode, sur le chic, sur le style, sur les femmes et peut-être d'une certaine manière sur un art de vivre.